C'est la chronique des castors de Dolbeau avec l'instructeur chef Robin Bouliane. Salut Robin. Salut Danny. Robin, avant de commencer, je veux te parler des castors. Je veux te parler avant tout d'une nouvelle qui est passée quasiment comme dans du incognito. Mais c'est une nouvelle que ça. C'est il y a 2-3 semaines que ça a apparu dans le Progrès Dimanche ou le Quotidien, j'ai vu ça. Puis je veux avoir ton opinion parce que tu as dirigé. Le Vortex, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi le Vortex, c'est le hockey de printemps et on a mis fin aux activités il y a environ quelques semaines. Robin, tu as été dans l'organisation, toi. Es-tu surpris de ça? Ben, aujourd'hui, je te dirais que je saute pas en bas de ma chaise en apprenant cette nouvelle-là. Okay. C'est que le Vortex est né, ça fait à peu près 6 ans, de ça, en tout cas 5 ou 6 ans. Okay. Puis c'est année où il y avait une forte demande là, dans le hockey de printemps, puis une seule organisation était là-dedans. Donc, il y a beaucoup de demandes, pas beaucoup d'organisations. Fait que là, il y a eu des organisations qui sont créées au fil des temps. Si bien que, je pense, la dernière année que j'étais impliqué là-dedans, il y avait le Vortex, il y avait la Ligue du Vortex, après ça, tu avais le Blizzard. Là, tu as eu la structure intégrée qui s'en est mêlée avec les U12. Okay. Fait que, fait qu'aujourd'hui, ça fait beaucoup de... d'organisation, puis moins de demandes aussi. Là. OK. Est-ce que c'est Hockey Saguenay-Lac-Saint-Jean qui est en arrière de ça? Non, c'était vraiment une entité indépendante là, qui gérait ça. Là. OK. C'est Gilbert Dionne, à l'origine, qui a fondé ça. Je ne sais pas s'il est encore dans... L'ancien joueur du Canadien? Non. OK, donc, OK, OK. Ouais, c'était quelqu'un du Saguenay, Gilbert Dionne. OK. Donc, c'est Gilbert Dionne. Puis, c'est sûr que c'est bon, le hockey de printemps. Oui, mon garçon l'a fait. Mais quand ça devient trop, il faut que ça devienne du hockey que les jeunes aillent s'amuser. Okay. Je reviendrai toujours au propos de Vincent Lecavalier qui avait dit un jour, quand il a pris sa retraite, il a dit, j'ai un seul regret, c'est que j'aurais dû prendre une pause un moment donné durant l'été de hockey. Parce que lui, c'était non-stop. C'est de la pression tout le temps, ce qui fait que ça le cœur les jeunes un peu. Là. Maintenant, ben oui. Oui, c'est bon d'en faire, mais pour le plaisir d'en faire. Puis les bénévoles aussi. Oui. Les bénévoles aussi. Tu dois avoir de la misère de trouver des bénévoles. Oui, mais dans ces organisations-là, c'était ceux qui organisaient ça, c'était très payant aussi. Là. Ah, OK. Oui. Mais il y a un essoufflement quand même. Là. Okay. T'as connu une longue saison. Le soccer tire à quelque part aussi. On veut passer à autre chose, profiter du beau temps. Et je comprends un petit peu que ça, pour des régions comme la nôtre, là, que ça met fin à ça. Les Castors affichent de 500 au cours du week-end. Oui, ça fait ça. Une victoire, puis une défaite. Okay. Je pense qu'en tout cas, tranquillement, mais lentement, on s'en va dans la bonne direction. Un match très serré de 4-3. Contre les Marquis. Défensivement, on s'améliore, bien qu'on fait encore des petites erreurs. Puis là, je parle pas juste des défenseurs, mais de tous les 5 joueurs sur la glace. Mais on sent que les jeunes comprennent, sont sensibilisés à leur rôle défensif. Ça apporte des bons résultats. OK. Donc, dans le match de 4-3, je vais juste aller dans une seconde, je vais vous dire les marqueurs de ce match-là. Regardons ça, toi. Je pensais qu'il l'avait sur le site, mais on n'a pas tous les matchs, donc excusez-moi. Et dans l'autre défaite, ben, ça a été une défaite de 5-3 contre les Aiglons. 5-3, oui. Là encore, on s'est battu jusqu'à la toute fin. Les Aiglons, qui ont quand même pas une mauvaise équipe, des bons patineurs, des bons attaquants. Puis nous, c'est sûr qu'il y a l'absence de Philippe Pelchat, là, 2 matchs en ligne qui étaient suspendus, ça nous a fait... Ça débalance les trios aussi. Qu'est-ce qu'il y a eu, c'est Philippe? Même, qu'est-ce qu'il a fait? Il y a eu une suspension. OK. Bon, c'est dans la game contre Jonquière il y a 2 semaines. Ah, OK. Dans les sols, OK. Exactement. Là, je regarde le site. Vous ne jouez pas en fin de semaine. Ça se peut-tu? Ça se peut qu'on ne joue pas parce qu'on est en tournoi à Saint-Anselme. Là. OK, à Saint-Anselme. OK. OK. On part demain, on a 2 matchs vendredi, un à 13h, puis l'autre, tout dépendant du résultat, là, soit à 6h ou à 8h. Moi, t'as dit Belleville, Saint-Anselme, t'as-tu déjà été là? J'ai jamais été là. C'est vraiment une belle petite ville, à peu près gros comme je dirais Normandin. Mais c'est vrai, peut-être un peu plus gros, mais là, ça, parce que c'est à quoi une demi-heure de Québec. Donc, c'est vraiment bien. Bon, on se parle, Robin, on se parle la semaine prochaine de ça, du tournoi. Parfait, c'est bon. Voilà l'instructeur-chef des Castors de Delbault, Robin Williams.